délier les belles, ah, dit elle a des yeux comme une gazelle, ah, dit elle en a deux. Et des mèches brunes, dit, plein sur sa figure, qui est comme la lune, dit, ah, y'en a, je te jure, Adélie, Adélie, Adélie, Adélie, Adélie, Adélie, Adélie, Adélie. C'est devant le pop hier qu'on s'est mariés. Je baissais les paupières et ben maman riait. Elle boit trop de madère et comme elle bosse dur, elle en devient amère, ah y'en a, je te jure. Adélie, Adélie, Adélie, Adélie. Adélie, Adélie, Adélie, Adélie. Au repas de nos noces, ma tendre et douce tous, étranglée par un nonos qu'il y avait dans le couscous. Et puis comme ça passe pas, elle se met à courir derrière la casbah, dans le jardin fleuri. Y'Adélie, la Adélie, la Adélie, la Adélie, la. Y'Adélie, la Adélie, la Adélie, la Adélie, la. Moi j'y cours par derrière, pareil comme du vent. J'y manquais pas derrière, j'y manquais de divan. Tous les lits étaient pris par les demoiselles d'honneur qui poussaient des grands cris, ah y'en a, je te jure. Y'Adélie, Y'Adélie, Y'Adélie, Y'Adélie, ah. Y'Adélie, Y'Adélie, Y'Adélie, Y'Adélie, ah. Et je prends le désert me faire cuire un œuf dur. Mais qu'est-ce que je digère, ah y'en a, je te jure. Aïe, en a, je te jure. Aïe, en a, je te jure. C'est exagère. Aïe, en a, je te jure. Aïe, en a, je te jure. Aïe, en a, je te jure. Aïe, en a, je te jure.